Bravo, vas-y, mon Guillaume. Les amigos. Ouais. Oui. Très bien. Ce qui est bien avec la crise du Covid, hein, c'est que c'est qu'au moins, ça nous montre qui on est réellement dans l'adversité, quoi. Et moi, j'ai vu qui j'étais réellement dans l'adversité. Et franchement, je suis déçu. Je suis déçu. Je veux dire, avant la crise, j'avais déjà un peu l'intuition que j'étais un lâche. Hein? Genre, quand j'entre dans une piscine, c'est toujours avec l'échelle. Ça, c'est un signe. Hein? Ça, c'est un signe de lâche. Jean Moulin, il entrait jamais dans les piscines avec l'échelle, hein, ça je te le dis. Hein. Tu crois que Jean Moulin, il aurait mis des chaussettes sur ses mains pour aller faire des courses? Non, sérieux, moi c'est officiel, en temps de guerre, j'aurais fait, allez, bonne résistance, hein. Vous me prévenez quand les Allemands sont partis, moi je vais me remettre en boule dans ma penderie. Sérieux, je suis tellement pas l'homme que je rêvais d'être. Depuis le début du confinement, j'ai pas osé regarder un seul JT, pas un. Si ça se trouve, à la présentation, c'est de nouveau PPDA avec Claire Chazal qui serait remis ensemble. Ces deux-là, je le saurais même pas. Je suis au courant de rien. Enfin, de rien. Je sais qu'il y a un confinement. Hein. C'est pas que le samedi soir, je m'habille pour aller en boîte, que j'arrive devant et je me fais, tiens, hein, y a moins d'ambiance qu'à l'habitude. Ah, mais au moins, j'ai pas de place pour faire un moonwalk. Non, je vois bien que les magasins sont fermés. Hein. Ça fait 3 fois que je vais aller chez Yves Rocher pour acheter de quoi me masturber. Porte close. Oh. Hein, Nagui, il a voulu me rassurer. Il m'a dit, oui, moi, j'utilise de l'huile de garage. Ok, Nagui, mais je persiste à croire que l'aloe vera, c'est quand même le petit plus. Hein. Mais moi, je me coupe des infos. J'ose pas aller sur Internet. C'est trop anxiogène. J'ai demandé à notre rédac chef qui me trouve 2-3 actus un petit peu positives. Il m'a envoyé un article du Huffington Post titré « Lassée d'être confinée seule, elle se met en couple avec son robot aspirateur ». Bah, ça, avant la crise, par exemple, ça m'aurait excité. Ah, voilà. Ah oui, quoi. Voilà. Moi aussi, j'ai un robot aspirateur. Hein. Oui, j'ai un robot aspirateur. Parfois, je me dis, elle est mimi, hein. Alors, est-ce que j'ai envie de me mettre en couple? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est trop anxiogène, là, que tu... Même quand je veux rien savoir, t'as toujours un pote qui te lâche une info qui donne envie de crever dans une soupe miso. Et le pire, c'est que 9 fois sur 10, l'info, elle est approximative. Les gens, ils te font, apparemment, on sera confinés jusqu'à mi-juin. Et t'es là, ah, merde, putain, mi-juin, qui a dit ça? Ouais, ils ont dit ça à la télé, apparemment, on pourra pas quitter le pays cet été. Je crois que j'ai jamais entendu le terme apparemment de toute ma vie. Pour tout et n'importe quoi, en plus, hein. Apparemment, le virus, il reste actif 139 jours, c'est citron vert, hein. Fais gaffe quand tu fais des mojitos. Déjà, d'où je vais faire des mojitos? À qui? À mon robot aspirateur. Elle aime pas le robe. Elle, c'est Glenfiddich ou rien. Le pire, c'est la famille. Genre, je suis sur FaceTime avec ma sœur. On parle du coronavirus et là, avec ma sœur. Et là, il y a mon neveu qui apparaît dans l'écran. Et il fait, de toute façon, c'est un coup d'État. Et il sort de l'écran. Fin de l'histoire. Mon neveu, il a jamais ouvert un journal de sa vie. Je sais qu'il sait pas ce que c'est vraiment un coup d'État, mais là, il sait que c'est un coup d'État. Hein? Putain, même les théories du complot, j'ai pas les vraies. Mais bon, au moins, je me préserve du décompte clinique des morts dans tous les journaux. J'ai un groupe WhatsApp où j'ai dit à mes potes, ici, vous m'envoyez que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Et depuis le début du confinement, j'ai eu 2 notifications. L'une, c'était Daniel qui a écrit, t'as vu, ils vont rééditer Mein Kampf, émoticône de licorne. J'étais là, oui, mais on n'a pas tous la chance d'être un ayant droit, hein, Daniel. La deuxième notification, c'était un pote qui m'a écrit, bonne nouvelle, le réchauffement climatique, apparemment, c'est fini. Allez, bonne émission. Bravo, Guy. Merci. Bravo.